pardonne-moi cet élan de colère qu'en peu d'instants j'ai vu s'évanouir et qui fait place à la tendre chimère d'un fol espoir et d'un brûlant désir. Colère ou désir, que me porte étranger à ce ton chemin, ton espoir soudain m'apporte, que différence et que tes dents. Ne parle pas ainsi, mon unique souci c'est de te rendre heureuse, et je saurai lutter pour vaincre la fierté de ta âme orgueilleuse. Que me proposes-tu? D'amener avec moi chemin. Pourquoi chemin? J'aurai raison de toi. Laisse-moi te dire. Ne dis rien, beau chasseur, remporte ton bonheur. Mon cœur est un oiseau de nuit que nul chasseur n'a jamais pris. Ton son dit, bravo. Prends-le vite et va-t'en.